Bonjour et bienvenue à cette conférence qui s'intitule « De l'émotion au sentiment ». Je me présente, je suis Michel Carrière et je suis relationniste de Daniel Kemp et c'est moi qui interviewerai ce soir M. Charles Villeneuve. Bonsoir. Je vais faire je pense que ce serait le temps de faire une petite précision sur l'absence de Daniel. Vous lui poserez vous-même les questions la semaine prochaine, il devrait être là, mais... Il était vraiment empêché d'être ici ce soir encore. Il n'aurait pas voulu, mais Daniel il a été hospitalisé la semaine dernière. Et puis, il est sorti de l'hôpital récemment, puis il n'était pas encore tout à fait suffisamment fort physiquement pour nous faire la conférence. Donc, il vous racontera lui-même ce qui lui est arrivé, avec toute l'explication nécessaire. Ça fait partie de l'évolution. Donc, le titre de ce soir, c'est « De l'émotion au sentiment ». Comment passer de l'un vers l'autre? Oui, ça, j'aimerais qu'on aborde un peu une forme de chronologie. C'est que l'on parle, par exemple, de l'émotion au sentiment. Mais est-ce qu'à un moment donné, lorsque le bébé naît, par exemple, est-ce qu'on ne parle pas du sentiment à l'émotion pour retourner ensuite de l'émotion au sentiment? Oui, c'est la chronologie d'événements qui fonctionne en même temps que le développement de l'ego. C'est-à-dire qu'au moment où il n'y a pas d'ego, il y a du sentiment, il n'y a pas d'émotion. Et plus on va, plus on vieillit, c'est-à-dire que du bébé naissant, là, exactement dans les premiers jours, les premières semaines, on peut voir, par exemple, un bébé qui est dans un siège ou dans une poussette, et puis, non, plus bébé que ça, il ne sera même pas dans un siège ou dans une poussette, il va plutôt dans sa couchette, et puis qu'à un moment donné, il fait un grand sourire, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas vraiment fait quelque chose, mais on sent qu'on voit que l'enfant est heureux. Oui, puis les présents, il n'est pas dans les mémoires. Il est vraiment vivant, il ne sait pas pourquoi non plus. C'est pas parce qu'il reconnaît quelqu'un, là, même à un très jeune âge, les enfants n'ont même pas la perception visuelle développée comme nous autres on l'a. Mais on peut voir, on peut sentir qu'il y a un sentiment qui est vécu par l'enfant, qui n'est pas un sentiment qu'on connaît chez l'adulte, c'est-à-dire avec la même spontanéité, la même présence vivante. L'enfant n'est pas heureux, on dirait plutôt qu'il est joyeux. Mm-hmm, puis il faut regarder comme il faut comment on utilise les mots. Plus l'enfant vieillit, plus ça colle à lui des mémoires, parce que son âme est en développement, son ego se développe, et puis il va commencer à recueillir de l'information de l'extérieur. Il va se souvenir, par exemple, du confort qu'il avait d'être dans les bras de sa mère. Il va être heureux ou joyeux pendant ce moment-là. À un moment donné, plus l'ego se développe, plus il se rappelle cette activité-là. Puis si on retourne le poser dans la couchette, à ce moment-là, il peut se mettre à hurler. Là, c'est de l'émotion. C'est là que l'émotion commence, c'est-à-dire qu'on commence à vouloir revivre un sentiment. On a mémorisé un sentiment de bien-être, de confort, de joie. Et puis, on veut le revivre, donc à ce moment-là, l'ego c'est nourri de cet événement-là. Il veut absolument le revivre. Mais ça, étant donné que tu parles de couchette, c'est quand même déjà encore très jeune. Ah, c'est très jeune aussi que... Mais la formation de l'ego n'est pas complétée à ce moment-là. Non, elle est en train, elle s'amorce. Donc, c'est là qu'on va passer du sentiment à l'émotion. Donc, à partir de la naissance de l'enfant, au début, c'est du sentiment, puis plus il va vieillir, plus il va grandir, plus il va avoir... tendance à être émotif et tendance à oublier les moments de sentiment. À chaque fois qu'il vit un sentiment, comme nous autres en tant qu'adultes, à chaque fois qu'on vit un sentiment, on se le remémore, on se rappelle. On est par exemple en voyage en Gaspésie, puis on observe un paysage, ça nous fait à l'intérieur un sentiment de bien-être et un sentiment de joie. En revenant à Montréal, on raconte l'événement à quelqu'un, ou on le prie sur photo, et puis on raconte l'événement à quelqu'un, puis là, c'est avec émotion qu'on va raconter ce qu'on a vu. On va dire, on a vu un très beau paysage, j'utiliserai pas le langage qu'on utilise parfois, qui est un blasphème pour la religion catholique, mais on en rajoute toujours, tu sais, on va remodeler le paysage comme l'ego. L'ego s'est nourri de cet événement-là, c'est énergisant un sentiment, donc l'ego s'en est nourri. Et puis là, tout le long, en s'en revenant, on se revomit ça dans la mémoire et puis on repeint le portrait, toujours plus beau, toujours plus beau, toujours plus beau. Ce qui fait en sorte que, à toutes les fois qu'on le raconte, c'est toujours un peu plus beau, parce que l'ego veut se rappeler de ce qu'il a vécu. Et puis si on y retourne 5 ou 10 ans plus tard, on risque d'être déçu. Oui. Parce que c'est pas vraiment ce qu'on avait vécu tout au long de nos 4 ou 5 années pendant lesquelles on a raconté l'événement. OK. Mais comme là, par exemple, on sait que les sentiments, c'est beaucoup plus instantané et la mémoire, bon, va être reliée à l'émotion. Mais dans le corps physique, c'est quoi la différence entre le sentiment et l'émotion? Qu'est-ce qui est vécu? Comment c'est vécu différemment? Dans le corps physique, c'est plutôt de l'intelligence, c'est instantané. C'est-à-dire que on passera pas, ça sera pas mémorisé. Un sentiment pur déclenche un taux vibratoire ou augmente le taux vibratoire des cellules. Ça nous énergie, ça nous donne de l'énergie. Après ça, l'ego, elle, va avoir enregistré le passage de ce sentiment-là, de cette vibration-là, parce que ça va changer le taux vibratoire. Et puis, l'ego va vouloir le revivre. Et là, plus on va en reparler, puis le revivre de façon émotive, plus on va perdre de l'énergie, puis finalement, on va reperdre l'énergie qu'on avait gagnée au moment où on l'a vécu. Ce qui fait que lorsqu'on a un instant agréable, lorsqu'on vit un instant agréable avec quelqu'un, ou devant quelque chose, ou devant un événement, ou en regardant un film, il faudrait s'habituer à, je dirais, boire l'événement. Le garder pour nous. OK. Donc, la personne, par exemple, qui est bien, c'est le sentiment passe, c'est instantané, mais dès qu'elle dit « Ah, qu'on est bien! » Exactement. Bien là, en disant ça, il y a déjà la moitié de ce qui avait été gagné qui est perdu. Il n'y a pas le « Ah » ou l'expression disant « Ah, que ça fait du bien! » dans une course à pied ou peu importe, mais l'expression d'avoir remarqué finalement, c'est parce que l'ego a remarqué que c'était passé quelque chose. Mm-hmm. On a tellement, c'est tellement inaccoutumé de sentir cette chaleur-là ou cette énergie-là qui passe en nous autres, qu'il faut absolument l'exprimer. Puis là, ben, en l'exprimant, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on disait de conserver son énergie en se taisant, c'est-à-dire en n'exprimant pas toujours nos bons coups. Dans le sentiment, c'est le même phénomène qui s'applique. Si on est capable de le garder pour nous sans forcer, là, c'est pas. Mais le conserver pour soi, c'est déjà s'énergiser beaucoup plus que le partager, parce qu'on va le partager avec émotion. On ne peut pas partager un sentiment au même état pur, avec la même pureté que ce qu'on a vécu, parce qu'on utilise des mots à savoir émotifs pour les transmettre. Mais est-ce qu'une personne peut parvenir à un état de sentiment où elle peut l'exprimer sans coloration? Ou s'il n'y a pas du tout d'expression? Il y a une expression, mais qui est mentale. Parce que si tu vois un paysage qui est tellement beau, qui te donne un état, un sentiment de joie en regardant le paysage, ou que souvent les gens vont regarder un film, et puis à un moment donné, il y a une larme qui se met à couler, puis pourtant, j'étais pas triste, mais c'était beau. C'était un beau film. Ça, c'est un sentiment. C'est pur, c'est instantané, c'est au moment où on le regarde. Si ensuite on répète ce qu'on a vu à quelqu'un d'autre, on dit « Ah, c'était tellement beau que j'en ai pleuré », là, on pleure pas en racontant cette histoire-là. C'est que retransmettre verbalement ce qu'on a vécu, ça risque d'être assez difficile, parce que si on dit à quelqu'un « J'ai vu un film qui était triste et j'en ai versé une larme », juste en utilisant les mots que je viens d'utiliser là, ça n'a pas donné de frisson à personne, certain, dans le sens émotif. Si on dit « j'ai vu un film, c'était tellement touchant », puis là on raconte toute l'histoire, puis on met tout ce qui était alentour comme événement, probablement émotif, dans le film qui est arrivé, qui ont réussi à nous faire verser cette larme de sentiment-là, il va falloir utiliser tellement de mots et tellement de mots émotifs que ça ne sera plus vraiment... On ne transmettra plus vraiment ce qu'on a vécu. Sauf qu'on essaye avec l'ego de trouver ce qui s'en rapproche le plus. Puis l'ego, lui, va se rappeler de ce qui a été déclenché dans le corps physique. Quelle impression ou quelle sensation j'ai eue au moment où j'ai vécu ce sentiment-là. Comme il est habitué de recopier des choses, bien, il va recopier quelque chose de différent, mais qui amène au même état ou à un état semblable. Mais pourquoi ce besoin-là de l'ego d'exprimer un sentiment, mais qui est devenu une émotion? Pourquoi ce besoin-là d'arriver à vivre des émotions? Parce que finalement, l'ego ne veut pas revivre le sentiment. Il veut revivre l'émotion qui a été créée par le sentiment. Oui, mais l'ego, lui, si l'ego arrêtait d'exprimer des sentiments, ou expliquer ses sentiments de façon émotive, l'ego finirait par s'autodétruire. Parce que dans tout ce qui est mémoriel, dans tout ce qui est accolé à l'ego, la plus grande substance qui peut réussir à retenir les morceaux, c'est justement l'émotion. Si tu vis un événement qui t'apprend quelque chose, mais que tu le vis sans émotion, il y a des grosses chances que tu ne te souviendras pas, après un certain laps de temps, de cet événement-là. parce qu'il n'y avait pas d'émotion au moment où ça a été vécu. S'il y a un accident qui est tragique, que tu vois quelqu'un, un jeune enfant qui se fait frapper en avant de toi, puis que ça te touche vraiment émotivement, tu vas te rappeler, tu vas être marqué de cette image-là pendant le reste de ta vie. Mm-hmm. Fait que là, on va dire que l'expérience a vraiment été enregistrée. Oui, parce qu'il y a eu de l'émotion. Si c'est seulement un sentiment, tu peux sentir un malheur en voyant quelque chose comme ça arriver, ce serait un sentiment, ce serait pas nécessairement une émotion, dans le sens que si tu ne revis pas l'événement ensuite de façon répétitive, il n'y aura jamais d'émotion, donc il n'y aura pas cette colle-là qui va maintenir toutes les pièces mémorielles dans l'ego. Ça serait vraiment pur. C'est finalement les sentiments qui vont créer le double éthérique et qui vont amener toute l'information qu'on a, qu'on doit avoir et qu'on a lorsqu'on est dans un processus de vie. Toute l'information va être conservée dans le double éthérique. Si on rejoint un double éthérique, on va avoir l'information de tous les événements qu'on a vécu sans les émotions. D'accord. Mais souvent, actuellement, par exemple, étant donné que beaucoup vont dire qu'il y a ce manque d'amour sur la planète, donc ils vont aimer vivre des émotions parce que ça peut être soit une preuve d'amour, ça peut être une preuve de vécu d'être vivant. Mais comme tu expliquais tantôt par rapport à l'ego, déjà, c'est pour lui une preuve qu'il est vivant. Mais si une personne dit à un moment donné, mais moi, mes émotions, d'une certaine manière, c'est important, je veux vivre mes émotions, je veux les exprimer, mais est-ce que c'est à ce moment-là, un individu qui n'a plus d'émotions va vivre un sentiment, mais est-ce qu'il reste robotisé, est-ce qu'il reste sans expression? Non, pas du tout. C'est pourtant l'image qu'on en a, par contre. Mais si on revient à l'image du début, du bébé, bébé de 2-3 jours que tu vois faire un grand sourire, il n'a pas l'air de quelqu'un qui vit le malheur, puis il n'a pas l'air de quelqu'un qui est en souffrance, il n'a pas l'air de quelqu'un de robotique non plus. C'est vraiment le sentiment. Un sentiment, c'est plutôt que d'être heureux, on est joyeux. Donc, c'est instantané. C'est sûr que lorsqu'on est habitué aux âges que... Moi, je suis encore jeune, mais il y en a qui sont plus vieux que moi. Lorsqu'on est rendu à un certain âge, on est habitué, après une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, d'avoir vécu tellement d'émotions, puis de s'être mémorisé toutes ces émotions-là, qu'on se dit, si demain matin, je n'en ai plus, je vais mourir. C'est vrai, c'est l'ego qui dit ça. Si l'ego n'a plus d'émotions, il va finir par perdre énormément de puissance, puis perdre énormément de... Il va perdre son emprise qu'il y a sur nous autres. C'est que, égoïquement, on va dire, si je n'ai plus d'émotions, si je suis dans une vie sans émotions demain matin, je vais m'ennuyer. Égoïquement, oui. Parce que l'ego pense qu'il va s'ennuyer parce qu'il est habitué, lui, depuis ses 30 ou 40 ou 50 années-là, de vivre un phénomène ou un paquet d'expériences émotives. Sauf que ce qu'il ne se rappelle pas, c'est les sentiments qu'il a vécu à sa très jeune enfance ou au début de sa création, de cet ego-là. Mm-hmm. Et puis, comme il est habitué de revivre les événements entre 5 et 10 fois, lorsqu'on vit un événement intéressant, lorsqu'on vit un beau sentiment, on va se le répéter ou se le revivre ou le raconter au moins 5 à 10 fois. On a vécu une belle sortie ensemble, on va s'en reparler à toutes les fois qu'on va se voir, à toutes les fois qu'on a une nouvelle rencontre, on va dire, ou quand on va parler des bonnes choses, du bon vieux temps, on va dire, te souviens-tu la fois où on était à la pêche et qu'on avait eu du fun? Bon, bien ça, on le revit combien de fois, le même événement? Et si on ne vit que de sentiments, il n'y en a plus de ça. Parce qu'on va plutôt, dans une rencontre, par exemple, si on se rencontre, au lieu de se remémorer ce qu'on a fait ensemble, les bons coups qu'on a eus, les 400 coups qu'on a fait ensemble, on va plutôt vivre l'événement actuel. On va s'amuser, on va vivre l'instant présent. On n'aura pas besoin de retourner en arrière et se raconter ce qu'on a fait, puis ce qui a fait en sorte qu'on a eu du plaisir la fois précédente. On va plutôt avoir du plaisir aujourd'hui. Et puis la même chose dans la prochaine rencontre. Mais, par exemple, si on prend une société qui n'est pas tout à fait consciente nécessairement des mécanismes au niveau de l'ego, mais c'est très, très, très populaire. Tous les films vont toucher les émotions, puis les films les plus populaires vont justement aller chercher bien creux des émotions, que ce soit de la violence ou de l'amour, peu importe. Que ce soit, par exemple, du sang, que ce soit de l'amour, des enfants battus, ça touche beaucoup le monde. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui peut amener une conscience au niveau de la société à changer à ce niveau-là? Parce que c'est tellement un gros morceau, une grosse image à transformer. Est-ce que c'est simplement d'arriver à faire accepter que le sentiment est bon? Non. Il n'y a pas, dans le changement de société, on ne pourra pas imposer un changement de valeur. C'est un petit peu comme si on disait, demain matin, on va demander à toute la population d'arrêter de polluer. ça ne marche pas comme ça. Il faut, nous, un par un, individuellement, à un moment donné, si moi j'arrête de polluer, ben j'aurai arrêté de polluer. Si mon voisin, par rayonnement ou parce qu'il voit que j'ai l'air bien dans ce que je fais, décide lui aussi d'arrêter de polluer, il va arrêter de polluer aussi. C'est la même chose au niveau de toutes les formes de changement que l'homme nouveau peut amener. C'est plutôt en les vivant, en les appliquant, qu'à un moment donné, fera en sorte qu'il va influencer par son expression puis par sa qualité de vie apparente par rapport à celui qui va l'observer, puis sa qualité de vie réelle pour celui qui va le vivre, que l'influence va être, et puis qu'à ce moment-là, on va utiliser plus le sentiment que l'émotion. Mais si on élimine l'émotion, il faut aussi se dire qu'on élimine un paquet de choses, parce qu'on élimine la dualité, on élimine le bien et le mal dans le sens de nos expressions. On n'a pas à être heureux si on n'est pas malheureux. On n'a pas à être anxieux. On n'a pas d'angoisse, il n'y a pas de jalousie. Si on enlève les émotions, on enlève tout ça, tous ces éléments-là. Aussi l'émotion par rapport à soi, c'est-à-dire se demander si je vais être à la hauteur de la situation. Combien de fois on va vivre des événements à l'avance? Vous avez une entrevue à aller passer dans une semaine pour changer d'emploi. Puis une semaine avant d'y aller, on va se remémorer l'événement avant même qu'il soit arrivé, de la rencontre qu'on va avoir avec notre futur employeur, avec beaucoup d'émotions. Parce que là, on vit l'événement d'avance, on se dit, bon, ben je vais le rencontrer, il va me demander si j'ai les qualificatifs, j'espère qu'il va trouver que mon curriculum vitae est suffisamment de bonne valeur. Ensuite, bon, mais s'il me pose telle question, je ne saurais pas quoi répondre. En tout cas, on se fait tout un scénario par rapport à ce qu'on va vivre. Finalement, on se rend compte bien souvent, majoritairement, que tout ce qu'on a vécu à l'avance, avant l'événement, c'est pas du tout ce qui arrive au moment où on a la rencontre. On se met ça tellement dramatique ou tellement facile, dans les deux, selon ce qu'on est, les personnes peuvent dire qu'il y en a qui sont optimistes et d'autres pessimistes, et puis qui vont se faire un scénario très facile, d'autres très difficile, alors qu'il y en a juste un scénario, c'est le scénario réaliste. Puis le scénario réaliste, il va se vivre seulement au moment où l'événement va se faire. Même si aujourd'hui, j'essaie de faire une prévision de ce qui arrivera pendant cette rencontre-là, avec l'état d'être que j'ai aujourd'hui, je sais que dans une semaine, ça ne sera pas la même chose. Je ne serai pas le même dans une semaine que je suis aujourd'hui. Il y a des petites nuances. On peut filer moins bien selon ce qu'on a mangé, selon notre style, notre attitude. On peut être fatigué par rapport à juste la veille avant de passer l'entrevue, pour n'importe quelle raison, pas capable de dormir. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est ce qui arrive, quand tu as quelque chose d'important à faire. Ce qui fait que quand tu vas arriver au moment où tu vas vivre l'événement, ça ne sera vraiment pas ce que tu es aujourd'hui. Donc, ça ne sert absolument à rien de se le préparer mentalement. Je ne dis pas que quelqu'un ne doit pas se préparer dans la matière à une rencontre. Si, par exemple, il doit rencontrer un futur employeur, ben, il faut que son curriculum vitae soit fait. Donc, ça, c'est des choses logiques et normales, sans émotion. On fait un curriculum vitae parce qu'il faut qu'on le fasse. S'il a demandé si on pense que pour l'emploi, il faut arriver là avec les cheveux un peu plus courts et puis le nez retroussé, bon, on se prépare une semaine d'avance, mais il n'y a pas d'émotion là-dedans. OK. Mais depuis tantôt, j'écoute parler par rapport aux émotions. Donc, ça semble sonner comme si les émotions, c'est souvent négatif et le sentiment, c'est souvent positif. Est-ce que, comme, pourtant, il y a une expression, des fois, on va dire, j'ai déjà entendu une personne dire, j'éprouve un sentiment de haine. Oui. Est-ce qu'une personne peut éprouver un sentiment de haine? Oui, les sentiments, ça ne serait pas de la haine, par contre, à ce moment-là, dans le sens haine mémorielle, là, comme on est habitué de le vivre, c'est-à-dire que si on n'aime pas quelqu'un, on va l'aimer à répétition dans sa tête avant même, sans même le voir. Quelqu'un nous a fait un mauvais coup, puis on s'en rappelle pendant 6 mois, puis même on en met tellement qu'on finit par le détester. Au début, c'était pas si grave que ça, puis finalement, il est coupable de tout ce qui nous arrive. Fait qu'on mémorise encore là, mais la haine, je dirais que c'est plutôt de la déception qu'on vit au moment instantané. C'est un sentiment. C'est sûr qu'avec la langue française, on peut bouger les mots comme on veut. On peut dire un sentiment de haine, on peut dire j'ai eu un mauvais sentiment, dans le sens pressentiment. On joue souvent avec ces mots-là. Mais un sentiment de haine, moi, pour moi, instantané, c'est de voir, par exemple, quelque chose de totalement inécologique. Je donne un exemple, j'arriverais sur le coin de la rue, puis je vois un adulte qui frappe un enfant avec un bâton. j'aurais probablement ce qui ressemble plus à un sentiment de haine égoïque, même si j'essayais de rester instantané. OK, mais l'homme nouveau, il peut appeler... Ça serait plus une déception cruelle par rapport à ce que tu considères comme étant logique et raisonnable, puis ce que tu vois, ce que tu vis. OK, mais ça, est-ce que c'est plutôt l'homme transitif qui peut vivre des sentiments de haine par rapport à l'homme nouveau? L'homme nouveau, qu'est-ce que lui peut arriver à vivre un sentiment de haine? Ben, l'homme nouveau pur, là, je considère qu'il n'y en a pas encore beaucoup sur la planète. Non. On est pas mal tous en transition. Tant aussi longtemps qu'on a de l'ego, on ne peut pas être pur, un homme, purement un homme nouveau. Mais l'homme transitif, lui, aurait à combattre les deux. C'est-à-dire, par exemple, dans l'exemple que je donnais là, avoir un adulte qui frapperait un enfant, il faudrait que l'esprit soit assez vite pour empêcher l'ego de sauter sur l'autre puis de le frapper avec le même morceau de 2x4. Il remarque que ça serait peut-être pas inintelligent de le prendre puis d'en donner un coup, mais il faudrait arrêter après le premier coup. C'est ça que l'ego, ça nourrirait probablement du fait d'avoir donné un coup puis de dire je vais le finir, il en donnerait un peu en deuxième. Alors qu'intelligemment, ça serait juste d'arrêter l'absurdité. Mm-hmm. Donc, intelligemment, si on le regardait par écrit, sans émotion, là, juste un texte, bon, un adulte a frappé un enfant, quoi faire? Arrêter l'adulte de frapper. Il n'y aurait pas d'autre chose que ça à faire, intelligemment. C'est pas évident qu'égoïquement, que quelqu'un serait capable de le faire sans arrêter un peu plus fort que ça. OK. Donc, mais si on parle de sentiment de haine, mais à part ça, les émotions, est-ce qu'on peut vivre, on peut donc vivre des bonnes et des mauvaises émotions? Oui. Puis, qu'est-ce qui fait la nuance au niveau de l'ego, au niveau du corps? Est-ce qu'une bonne émotion est meilleure qu'une mauvaise émotion? Non. Au niveau du corps, toutes les émotions sont mauvaises. Dans le sens, je suis totalement heureux ou totalement malheureux. Dans les deux cas, je dépense énormément d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être malheureux. Si on n'est pas totalement heureux, dans le sens que il m'est arrivé, bon, j'ai gagné 1 million, puis je me mets à crier, à arracher les tuiles du plafond, ça donne absolument rien. Il faut plutôt goûter à l'instant. C'est-à-dire que si quelque chose de bien arrive, on le prend pendant qu'il passe, pendant que cette chose-là d'intéressante nous arrive, on le prend, on le déguste, plutôt que de... Pour moi, la vie, c'est un peu comme un fin gourmet, quelqu'un qui... On peut dévorer un quart de livre chez McDonald's ou déguster quelque chose, un plat plus raffiné, puis goûter chaque bouchée. Dans la vie émotive, c'est plutôt l'exemple que je prendrais plutôt du quart de livre de McDonald's. Là. C'est-à-dire qu'avec émotion, on va s'empiffrer de l'événement, plus que de déguster et de prendre chacune des parcelles de l'événement, puis de les cellulariser, de les conserver, de les garder pour nous. Quand tu dis empiffrer, mais c'est donc ça explique bien l'expression de manger ses émotions. Ça, c'est assez évident pour certaines personnes. Une personne qui se met à crier, là, ça paraît qu'elle est en colère, elle sait qu'elle veut une émotion. Mais comment savoir des fois des émotions plus subtiles? Comment savoir qu'on vit une émotion? Pour moi, c'est pas vraiment important de décoder si on vit une émotion ou pas au moment où on le vit. C'est important ou utile de décoder si ce sont des émotions ou des sentiments à partir du moment où on sent que ça nous accapare la pensée, ça nous fait faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qui seraient illogiques. Je prends l'exemple de quelqu'un qui se met à boire, qui devient alcoolique. La majorité des alcooliques sont des êtres extrêmement émotifs, qui expriment beaucoup d'émotions. C'est à partir du moment où on exprime un problème ou des difficultés par rapport à quelque chose qu'il faut se demander si ce qui nous a fait faire ça, est-ce que c'était quelque chose, bon, qu'est-ce que c'était? La majorité du temps, on va se rendre compte que c'était une émotion. Par exemple, une relation avec quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime, la plupart du temps, c'est avec un conjoint, un enfant ou un parent, on va être déçu de son rendement scolaire, par exemple. Donc, on a un enfant qui arrive avec des mauvaises notes. Si on se met à l'engueuler, à ce moment-là, puis que la relation s'envenime entre le parent et l'enfant parce qu'il y a une engueulade, puis toutes les engueulades sont émotives, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'engueulade. Il faut absolument, lorsque deux personnes s'engueulent, qu'il y ait de l'émotion. Même s'il y en a un des deux qui est capable de rester suffisamment froid puis qui n'embarque pas avec de l'émotion, la plupart du temps, l'autre va cesser parce que c'est un jeu d'ego, l'engueulade, c'est vraiment pas une discussion, c'est de l'engueulade. À partir du moment où on voit qu'on engueule son fils ou sa fille parce qu'il y a des mauvaises notes scolaires, il faut se demander, là c'est sûr que c'est de l'émotion, est-ce que je le fais parce que il me déçoit. Donc, s'il me déçoit, c'est que j'en avais déjà des attentes émotives. Je m'étais fait une idée de ce qu'était mon fils ou ma fille à l'école. Puis je me disais, émotivement, je me suis fait l'image de ce garçon ou de cette fille-là. Et puis là, dans la réalité des choses, lorsque je regarde son bulletin, je vois que ce que je vois comme réalité, puis l'image que je m'en étais faite émotive, ça ne coïncide pas. Alors là, l'ego est en colère, parce qu'il y a une différence, il y a un débalancement de ce qui est vécu, ce qui aurait dû être vécu selon l'ego. Alors qu'au niveau instantané, au niveau de l'intelligence, il n'y en a pas de déception. Il n'y a qu'une réalité. S'il y a eu 32 en mathématiques, il y a eu 32 en mathématiques. Ça, c'est l'évidence même. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est l'intelligence se poserait cette question-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est intelligent d'avoir 32? Est-ce que c'est utile qu'il y ait plus que ça? Bon. À partir de là, suivre une séquence logique, puis avoir une discussion avec l'enfant pour arriver à lui faire comprendre, d'abord soi-même comprendre pourquoi il devrait avoir plus. Quand ça sera fait, essayer de le transmettre à l'enfant de façon rationnelle, pour, sans chicaner, sans trop se battre. Je ne dis pas que de temps en temps, il ne faut pas élever la voix, mais on est capable d'élever la voix de façon quand même intelligente, sans qu'il y ait d'émotion. Un peu comme ce qu'on appelle par rapport à une colère mentale. Exactement. Sans faire une colère mentale par rapport à ce que nous autres on vit, mais en faisant à peu près le même degré verbal ou presque, là, c'est-à-dire atteindre un certain niveau d'énergie puis être capable d'exprimer verbalement quelque chose qui n'est pas correct ou qui devrait changer, sans utiliser de mots à saveur émotive. Et puis, lorsqu'on est capable de faire ça, lorsqu'on est capable de transmettre à ce niveau-là, il ne peut pas y avoir d'engueulade. C'est contrôlé. Parce que c'est contrôlé. Et si l'autre, celui à qui on s'adresse, lui réagit émotivement, à ce moment-là, celui qui le fait mentalement peut s'arrêter, puis peut baisser son timbre de voix pour dire, bon, ben là, maintenant, je réalise que j'agresse son ego, il faut que j'arrête. Je me retire, je me calme, parce que lui s'énerve. Ça fait qu'à ce moment-là, il y en a un des deux qui va finir, un des deux qui finit par avoir suffisamment d'intelligence pour arrêter d'élever la voix, puis arrêter d'utiliser des mots émotifs, puis là, ça se calme. Donc, l'émotion peut nous nuire à ce niveau-là, c'est-à-dire dans des relations de famille. Comme je disais tantôt, quelqu'un qui peut se mettre à boire pour ça. On peut avoir de la difficulté à travailler, de la difficulté à se concentrer, de la difficulté à dormir. Puis lorsque vous remarquez ce qui vous empêche le plus de dormir, c'est beaucoup plus des pensées émotives que des pensées pures. C'est rare qu'on va avoir de la difficulté à dormir parce qu'on calcule que 2 plus 2, ça fait 4. Ça ne nous empêche pas vraiment de dormir. Est-ce que c'est ce que tu appelles une pensée pure? Oui. Pensée pure dans le sens, une pensée sans émotion, une pensée qui est plus rationnelle. Si on a un problème, par exemple, au travail, et puis, je ne sais pas, vous êtes ingénieur, puis on essaie de calculer le nombre de poutres d'acier qu'on a à placer pour soutenir le plancher du deuxième étage. C'est un problème mathématique. On a travaillé là-dessus durant la journée, puis on se couche, on n'arrive pas à dormir, mais ça ne nous stresse pas. On arrive simplement, on est couché, puis les chiffres circulent dans notre tête, puis à un moment donné, bang, on a la réponse. Ça n'empêche pas de dormir longtemps parce que la réponse arrive vite. Mais si on se met à penser émotivement, comment ça se fait que j'ai pas réussi à trouver la solution à ce problème-là? Qu'est-ce que mes patrons vont en penser? Demain matin, je devais remettre le plan terminé à 6h30. J'arriverai jamais à faire ça à 6h30. Alors qu'il est là, je dors toujours pas. Demain matin, j'espère que les enfants vont se lever à temps parce que je les laisse à l'école. Puis là, tu pars. Tu sais, qu'est-ce qui va m'arriver? Puis finalement, c'est un maudit gros problème. T'sais, c'est pour ça qu'on utilise le maudit en avant. C'est pas un gros problème, c'est un maudit gros problème. Puis plus on le pense, pire, c'est. Donc, les émotions sont des gros engendreurs de stress. Oui. Et puis, de stress dans le sens, lorsqu'on avance le temps, c'est-à-dire lorsqu'on essaye de vivre l'événement avant même qu'il arrive, et de stress au moment où on a une déception par rapport à un événement vécu, au moment où on le vit. C'est-à-dire que dans le sens inverse, là, l'exemple que je t'ai donné, c'est quelqu'un qui se défait la réalité, qui empire la réalité. Dans l'autre sens, quelqu'un qui met la réalité plus belle. Si ton conjoint avec qui tu as une bonne relation et puis tu l'imagines parfait, et puis un jour tu le rencontres parce que ça va bien, puis bon, avec toute la qualité de vie, les émotions qui sont vécues, les sentiments qui sont vécus, fait en sorte que tu fais une image de l'homme parfait, l'homme idéal, c'est lui. Un jour, il t'arrive en état d'ébriété avancée, il a de la misère à monter l'escalier. C'est la désillusion totale, la désillusion des dieux. Tu n'aurais jamais pensé vivre ça. Donc, là, la réalité là, elle est différente de ce qui a été vécu émotivement. Puis, et souvent, ça fait mal. Au moment où on se dit, je pensais pas que lui ferait ça. Alors que dans le fond, si on se disait, sourire aux lèvres, bon, ben, il est sous. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre que d'admettre qu'actuellement, le bonhomme est en train d'essayer de monter de peine et de misère l'escalier? Ça donne, je dis pas d'en rire aux éclats puis d'appeler toute la visite, mais qu'est-ce que ça change de décider de prendre la chaise ou de l'engueuler puis d'essayer de le frapper? Il y a déjà assez de misère de même monter l'escalier. Laisse-le monter, puis quand il sera rendu en haut, quand il sera dégrisé, donc les gens peuvent parler. Mais au moment où ça se passe, les événements, on a de la difficulté à rester vivant, à rester instantané, puis à rester ce qu'on est. Souvent, on va revivre un événement comme celui que je raconte là, on va, deux, trois ans plus tard, ou même deux semaines plus tard, vous allez en rire. Les deux personnes vont en discuter, vont dire « Hey, j'étais donc un maudit quand je t'ai vu arriver comme ça. » Mais en riant, parce que finalement, les deux se rendent compte que c'était ridicule de s'emporter tant que ça pour un événement. Pour une déception qu'on a eue par rapport à l'être aimé. Puis souvent, ce sont par rapport à nos enfants, à nos amis, aux personnes qu'on aime émotivement, ceux à qui on est le plus attaché. C'est souvent par rapport à eux qu'on a les plus grandes déceptions. Puis on va dire, d'un ami pur, moi, j'ai un ami masculin avec qui j'aurai une rencontre, parce que j'utilise le terme pour préciser, parce que souvent les gens disent « un homme ne peut pas avoir une femme amie ». C'est ça qu'on n'embarquera pas là-dedans pour aujourd'hui. Ce serait le thème d'une conférence juste à part. Mais disons que j'ai un ami masculin, et puis que je lui donne rendez-vous au restaurant à 6h30. À 6h30, il n'est pas là. À 6h45 non plus. Il arrive à 7h30. De 6h30 à 7h30, je l'ai attendu. Pendant une heure au restaurant, c'est mon ami, il rentre, je lui demande « Comment ça va? » « Ah ben, je m'excuse, j'ai eu une crevaison, ce métropolitain. » « Non, excuse-toi pas, c'est pas grave, ça va bien, ton auto réparé, parfait, assieds-toi. » Si c'est ma femme qui arrive une heure en retard, je suis pas sûr que ça va être la même raison puis la même réponse qu'elle va avoir en rentrant. Alors que c'est ridicule, parce que la meilleure amie que tu devrais avoir, c'est celle avec qui tu vis. Ou sinon, il y a un problème dans la compréhension de qu'est-ce que devrait être un couple, parce que ça devrait vraiment être une amie. Mais qu'est-ce qui fait cette nuance-là, l'attachement émotif? C'est seulement ça, l'émotion. La déception de l'image émotive parfaite qu'on se fait de quelqu'un. Quand on a un ami, on accepte qu'un ami ait des défauts. On accepte qu'un ami soit en retard. On accepte qu'un ami fasse des gaffes souvent importantes par rapport à ce qu'on serait capable de tolérer de son fils, de sa fille, de sa femme, de son père. Moi, de mon père, ça m'a pris bien des années, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment longtemps, que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas toutes les qualités du surhomme, du modèle parfait de père que j'avais fait dans ma tête, et puis qui faisait en sorte que j'étais souvent déçu de notre relation parce que, ben, il me semblait qu'un père parfait, c'était pas comme ça que ça agissait. Ben oui, mais moi, j'étais ni un fils parfait, puis lui, il était pas un père parfait. Mm-hmm. Par rapport à... Il y en a pas de perfection prototype, là. C'est-à-dire qu'il y a pas une fille idéale pour tout le monde. Que tu dois avoir, puis j'ai le père que je dois avoir. Il n'y a pas vraiment de modèle préconçu. Mais on s'en fait, l'ego s'en fait des modèles préconçus. Puis on copie sur l'image de ce qu'on voit à côté. On observe les voisins, on regarde ce qu'on peut voir à la télévision, puis on se fait une image bien, bien belle de ce que devrait être la femme parfaite. Et si ma femme ne correspond pas à ça parfaitement, bien, je vais être en maudit. Au moment où l'événement va se produire, dans l'exemple que je donnais tantôt, qu'elle arriverait une heure en retard au restaurant. Parce que pendant cette heure-là, l'ego, lui, va se faire plaisir à imaginer toutes les situations. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est en retard d'une heure, premièrement? Déjà là, si tu es jaloux le moindrement, tu vas chercher, tu vois, bon, ça y est, aujourd'hui, à travailler avec un tel, lui, il maudit, je ne le trace pas. C'est toujours, tu sais, on va toujours se faire une image de ce qui est arrivé. À dehors encore, oublié de vérifier s'il y avait de l'huile dans le moteur, ou le moteur tombe en panne, ou elle n'a pas vérifié ses pneus. Puis là, si elle a une crevaison, on va pas aussi facilement accepté que c'était une crevaison banale. Une crevaison, c'est rien d'autre qu'un pneu qui se dégonfle. Mm-hmm. Venant d'un ami, c'est un pneu qui se dégonfle. Venant de quelqu'un qu'on aime beaucoup puis qu'on s'est fait une image parfaite, c'est pas juste un pneu qui se dégonfle, c'est que t'as probablement pas vérifié s'il était pas bien gonflé. C'est de sa faute. C'est ça. Fait que ça, c'est ça, pour moi, les émotions doivent disparaître à ce moment-là. Quand l'émotion fait en sorte que tu ne peux pas avoir la même qualité de relation entre oui. quelqu'un que tu aimes et puis quelqu'un qui est un ami. D'ailleurs, il devrait y avoir seulement des amis. On devrait avoir des fils amis, des filles amis, des pères amis, des oui. femmes amis, des maris amis. Parce que finalement, ceux à qui tu es attaché émotivement, ça fait partie quasiment du petit monde de l'ego. Ça fait partie, c'est comme si c'était une possession. On s'en nourrit. On se nourrit de la présence, il ne faut pas s'en cacher. On se nourrit de la présence de nos enfants, on se nourrit de la présence de son conjoint. D'ailleurs, comme on entend souvent des parents qui disent « Ah, là, c'est ma dernière qui s'en va. » La première qui se marie ou le premier qui se marie, c'est pénible. Le dernier qui se marie ou la dernière qui se marie, c'est pénible aussi. Parce que là, on sent que la maison va être vide, puis on ne sait plus qu'est-ce qu'on... Mais oui, la maison va être vide, puis l'ego, lui, est habitué de se nourrir de la présence de l'autre, même s'il ne faisait pas son ménage, même s'il ne ramassait pas toutes ses affaires, même s'il y avait des chiolets, c'est quand même un événement. L'ego, notre ego, est habitué de vivre un événement par rapport à celui qui était là. Il laissait toujours traîner ses maudites bottes dans l'escalier, mais quand on rentrait, on savait qu'il était là, parce que ses bottes oui, étaient là. Fait que, ça faisait bouger l'ego, ça le faisait sécréter parce qu'il fallait qu'il soit face à sa petite colère, parce que les bottes étaient encore dans la première marche. Mais tout ça fait en sorte qu'on est habitué à la présence de quelqu'un, puis notre ego se mémorise des événements vécus avec cette mm-hmm. personne-là. Fait que si elle s'en va, on va lui en vouloir. J'écoutais même récemment une émission à la télévision qui parlait de comment les gens sont choqués parfois de quelqu'un qui est décédé. T'es marié avec quelqu'un, ça va bien, la personne décède, puis il y a des gens, ceux qui restent, parfois lui en veulent d'être parti. Il est mort, ben oui, mais il n'aurait pas dû, il devait pas nous laisser, il n'est pas correct, il n'est pas fin. Les enfants puis les adultes disent ça d'une personne qui est décédée, puis c'est normal, l'ego est en maudit, parce que l'ego n'est plus capable de se nourrir de la présence de cette personne-là. On ne réalise pas vraiment ce qui nous fait dire ça, mais si on avait du plaisir, si on a vécu des belles émotions avec une personne, des belles et des pas belles, toutes les mmh. sortes d'émotions qu'on a vécues avec une personne, mais ce qui va nous faire le regretter le plus, c'est certainement les belles émotions. Son départ, c'est comme si la vie nous l'enlève, on t'en maudit après la vie parce qu'elle a fait ça. L'ego ne l'accepte pas. Ça l'avait une partie de soi. C'est une partie de soi aussi. C'est souvent ce qui va créer le vide après. Si on est habitué toutes les deux de se rencontrer, de se parler, dans ton regard, quand tu me regardes, il y a une partie de moi. Comment mm-hmm. toi tu me perçois quand je regarde quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Tout le monde, entre nous autres, entre deux individus, il se développe une relation. La relation fait en sorte qu'on mémorise chacun l'expérience des événements qu'on vit avec l'autre. Et puis, lorsque moi je te regarde, dans mon regard, il y a ce que moi je perçois de Michel Carrière. Donc ça, toi, tu t'en nourris du regard que j'ai envers toi, de la façon dont moi je te perçois. L'onde de retour. Et l'onde de retour de tout le monde est comme ça. Puis c'est différent avec chaque personne. J'ai pas la même sensation si je regarde le plus jeune de mes fils que le plus grand. C'est pas ni mieux ni moins bien, c'est différent. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, tu peux te présenter devant deux personnes différentes à des instants assez près, puis tu vas te sentir bien, tu vas être satisfait de toi devant une personne, tu vas arriver devant l'autre personne, puis là, ben, c'est comme si tu étais un peu déboussolé. Il me semble que je ne suis pas correct, là, mais c'est oui. l'onde de retour qui revient de c'est ça. C'est le retour, c'est la façon dont l'autre personne te perçoit. Souvent, ben, c'est la réflexion, le miroir de ce qu'on est. On va de ce qu'on est les deux ensemble. Parce que individuellement, chaque individu étant seul est différent. Mais si tu le places dans un contexte où il y a un autre, il y a un intervenant, s'il y a quelqu'un d'autre en face de lui, à ce moment-là, l'individu n'est plus seul, il y a quelqu'un d'autre, et puis il se teinte de la présence de l'autre, mm-hmm. et c'est réciproque. Alors, dans certains cas, tu vas être plus puissant ou puissante que la personne que tu rencontres énergétiquement, donc c'est toi qui prédomine, c'est toi qui prends la place, donc c'est l'autre qui va se sentir par rapport à toi. Toi, tu restes beaucoup plus vrai, beaucoup plus proche de ce que tu es vraiment, parce que énergétiquement, tu es plus forte ou plus confortable cette journée-là, ou plus à l'aise. Et puis, c'est toi qui, qui, qui domine la circonstance. Dans d'autres cas, on rencontre d'autres personnes et puis elles sont soit plus énergétiques ou à l'inverse, tellement drainantes ou tellement basses en énergie, tellement déprimées ou déprimantes, qu'on n'est pas capable de rester soi face à ces personnes-là. Mais entre deux individus, c'est-à-dire un individu qui a une relation avec un et avec un autre, il n'y a jamais deux relations identiques. OK. Tantôt, tu parlais des émotions, surtout par rapport aux gens qui sont les plus près. Mais ceux, par exemple, qui sont au travail et qui en vivent des fois des émotions, que ce soit, puis surtout, habituellement, ça peut être assez vu négativement d'un certain point de vue. Mais qu'est-ce qui amène ces émotions-là s'il n'y a pas d'attachement par rapport à un employeur, par rapport à un collègue de travail? La plupart du temps, les autres émotions sont par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, en tant qu'ego, on se fait une image de ce qu'on est en tant que personne. Et puis, souvent, ce qui va faire en sorte qu'on va être mal à l'aise dans une situation, c'est-à-dire que si j'arrive, par exemple, pour me présenter en avant à la conférence, et puis je me rends compte, juste en rentrant, que j'ai une superbe grosse tache noire sur ma cravate rouge, là, mon ego va s'emparer de cette information-là, puis il va se demander si l'image que ça projette, ça correspond à l'image que mon ego se fait de moi. Okay. Fait que là, il y a une différence de potentiel, je dirais, entre ce que à l'intérieur tu sens que tu es et ce que l'ego a enregistré comme information de quoi tu as l'air. Tu te regardes devant le miroir avant de partir pour un événement, puis tu dis « Ah, non, je suis jamais à la hauteur de ce que j'ai à faire ». Ou dans le travail, tu dois remettre un produit fini, il n'est pas exactement à la hauteur de ce que, à l'intérieur, ton ego pense que tu es capable de faire, toi, en tant que personne. Donc, c'est tout le temps le conflit entre ce qu'on livre comme marchandise, je dirais, ce qu'on réussit à faire comme produit fini, et ce que notre ego pense de nous-mêmes. On a les complexes qui vont en parler de là, les complexes de supériorité ou d'infériorité, ou tous les genres de complexes. C'est de l'auto-analyse et c'est de la relation entre soi et soi. Au lieu d'être de la relation entre nous et entre soi et un conjoint ou un enfant ou un parent. Parce qu'on est finalement la personne la plus compliquée à vivre avec, chacun individuellement. Si on se regarde à l'intérieur, on se rend compte que si on est capable de régler nous-mêmes nos problèmes intérieurs, c'est-à-dire que cesser de se gruger par nos propres émotions qui sont engendrées par l'image qu'on se fait de nous autres, par la désillusion. Tantôt, quand je donnais l'exemple du bonhomme qui arrive chez vous en état d'ébriété avancé en rampant dans l'escalier, celui qui le vit, là, disons maintenant, transposons dans le même exemple, celui qui est en train de les monter les marches à quatre pattes. Lui, le lendemain matin, ou quelques heures ou quelques minutes après, aussitôt que l'intelligence est capable de se frayer un passage à travers la broue. Là, il y en a une déception puis une désillusion par rapport à lui. Lui, il doit la vivre, il va vivre cet événement-là avec d'autant plus de problèmes si tout le monde alentour s'est mis à gueuler. Mais pas nécessairement parce que il peut quand même lui-même être énormément déçu de sa réaction ou de son comportement et puis se blesser davantage que les autres vont le faire à l'extérieur. On est souvent plus dur, plus sévère pour nous autres que l'extérieur va l'être. Vous avez un ami qui fait une gaffe, puis deux jours après, même pas, c'est oublié, c'est fini, c'est réglé. Lui, il va s'en rappeler pendant des semaines, des mois. Ça, c'est égoïque encore. C'est son ego qui se rappelle de la gaffe qu'il a faite. Dans le même exemple que celui qui monte l'escalier, il va se rappeler cet événement-là pendant très longtemps, puis il va se martyriser intérieurement avec cet événement-là. Alors que si on le prend comme tantôt, on était à l'extérieur et on le voyait monter les marches, on était prêt à le faire intelligemment, à dire, bon ben, OK, avec le sourire en coin, puis à dire, bon ben, il est en état d'ébriété, il n'y a rien d'autre à faire que d'essayer de l'asseoir, puis qu'il tombe, puis qu'il ne déboule pas les marches. Si lui faisait la même chose par rapport à lui-même, c'est-à-dire s'autoriser à avoir fait une connerie, ça ne veut pas dire de faire exprès pour recommencer, mais bon, ben, j'ai fait une connerie. Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte, plutôt essayer de voir plus tard, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a fait cette connerie-là, puis essayer de régler ce problème-là, mais pendant le moment où ça se vit, puis c'est là. À ce moment-là, si la personne est capable de s'autoriser à avoir fait cette connerie-là, puis de s'autoriser à ne pas trop se punir, puis de s'abîmer le moral avec ça, puis s'abîmer la conscience, à un moment donné, lui va devenir plus tolérant par rapport à lui, puis là, il va devenir plus tolérant par rapport aux autres. et ça va être beaucoup plus facile. À ce moment-là, est-ce que ça peut être un mécanisme de protection de l'ego? Des fois, par exemple, il y en a qui vont faire des conneries de ce genre-là, mais ils vont dire c'est de la faute à un, puis c'est de la faute à l'autre. Si j'ai bu de même, c'est parce qu'elle me dit telle affaire, puis elle se m'a mis à l'envers. Mais bon, il y en a des personnes, des fois, qui vont accuser les autres de leurs émotions, du problème qu'ils vivent. Mais est-ce que c'est un mécanisme de protection de l'ego? Oui, l'ego ne peut pas admettre être en tort, à moins qu'il décide de s'en martyriser. S'il prend plaisir à se poignarder puis à se dire « j'ai fait des conneries », là, on tombe dans le cercle de l'ego qui aime se faire du tort. Mais sinon, l'ego défensif, lui, va sortir tout l'événementiel, tout ce qui est arrivé, tout ce qui est à l'extérieur, tout l'environnement, puis il va te donner des blâmes. Tout le monde a fait quelque chose de pas correct, sauf lui. Mm-hmm. Lui a été la victime. C'est pas comme ça non plus qu'il faut le regarder, c'est-à-dire qu'il faut juste voir qu'il y a eu un événement, que cet événement-là n'était pas super intelligent, puis qu'il aurait pu être évité. Mm-hmm. Mais maintenant, il est fait, on n'en parle plus, on regarde plutôt comment faire en sorte que la prochaine fois, ça n'arrive pas. Sans s'abîmer, sans se martyriser, comme je le dis, parce que il y a bien des égos qui sont comme ça, qui sont masochistes un peu, et puis qui vont prendre un malin plaisir à faire revenir en mémoire toutes les choses qu'on a manquées. Mais la majorité du temps, malheureusement, ces égos-là ne vont pas aussi te montrer les belles choses que tu as faites dans la journée. Ils vont juste te montrer celles que tu as manquées, parce que toi, c'est comme ça que tu nourris le plus ton égo. Fait que ça dépend comment l'ego réagit par rapport aux événements. Si c'est un ego qui s'énergise quand il fait un bon coup, ben là, son livre va le raconter à tout le monde, et puis il va juste parler de ses bons coups, parce que c'est là qu'il va chercher son énergie. Si c'est un ego qui est habitué de se plaindre et de dire que lui n'est jamais bon et jamais capable de le faire, à ce moment-là, il va utiliser ça pour se nourrir. Alors que le sentiment serait entre les deux. Il n'utiliserait ni un ni l'autre. Okay. Qu'est-ce qu'il va faire parfois qu'il y a des personnes souvent qui ont une tendance un peu à se plaindre, mais ce qu'ils vont dire finalement au bout de leur journée, c'est qu'ils aimeraient donc ça être bien, alors mais qu'ils sont toujours en continuelle plainte. Qu'est-ce qui fait ça? Pour donner une illusion toujours à l'ego, parce que l'ego, il ne faut pas qu'il se rende compte qu'il est en train de se faire un piège à lui-même finalement. C'est des parties. Quand on dit l'ego, c'est assez complexe, il y a un paquet de morceaux d'ego qui se côtoient et puis qui se d'un côté à l'autre. Un côté d'ego agace l'autre côté d'ego, puis là, ça s'énergise d'un bord à l'autre. Fait qu'il faut toujours que l'ego sente que c'est lui d'abord qui contrôle. C'est-à-dire je décide que. Donc l'ego va utiliser le mot je pour me faire dire je décide de me lever, parce que sinon. Ça serait con de dire, si c'était l'ego qui me disait « Charles, lève-toi », ça ne marcherait pas. Il faut que en dedans, ça se dise « je veux me lever ». Donc, l'ego va utiliser des pièges comme ça, dans le sens de dire, il va te laisser te plaindre. Après que tu as fini de te plaindre, il va dire « ah, mais j'aimerais donc ça être différent ». Au lieu de donner l'attitude, c'est pas une personne qui va avoir l'attitude de vouloir changer puis de devenir vraiment différente. Quelqu'un qui dit tout le temps « j'aimerais ça », c'est rarement ce qu'il dit qu'il aimerait. « J'aimerais ça arrêter de fumer, mais je ferais rien pour arrêter de fumer. » Donc, « j'aimerais ça », ça fera pas arrêter de fumer. Il faut que ça soit d'autres choses que ça. Le désir ou le goût, c'est vraiment ça, c'est toujours, surtout si on utilise le mot « j'aimerais », c'est vraiment égoïque, et puis c'est vraiment l'ego qui s'amuse à mettre un piège encore plus subtil. Pour faire en sorte que tu n'as pas peur de ton ego, tu ne dis pas « c'est mon ego qui est masochiste », puisque moi, je voudrais m'en sortir. Oui, toi, cette partie d'ego-là, qui est une autre partie d'ego. Mais si, bon, étant donné que l'ego prend autant de place, qu'il peut faire vivre tant d'émotions plutôt, est-ce qu'il va autoriser à un moment donné un individu à vivre des sentiments, à se débarrasser des émotions? Parce que étant donné que c'est lui qui a contrôle, c'est lui, il a tour de contrôle avec lui, est-ce qu'il va libérer à un moment donné? Comment le faire? Comment faire pour qu'il libère, qu'il nous laisse vivre les sentiments au lieu de vivre des émotions? Ben, c'est en étant conscient que ça se produit. Si au moment où tu vis le sentiment, disons que tu as une belle expérience, tu rencontres quelqu'un, tu as une bonne rencontre, une belle discussion, puis au moment où ça se fait, c'est intéressant, c'est énergétique pour tout le monde, chaleureux, enrichissant. Disons, 15 minutes plus tard, tu rencontres un autre ami ou quelqu'un que tu connais, puis tu veux lui transmettre ce que tu viens de vivre 15 minutes auparavant. Si tu as la présence d'esprit d'arrêter juste au moment où tu t'en allais commencer à tout raconter émotivement, ou d'observer que tu es en train de le faire, puis tu dis « oups », fallait pas que je le fasse, tranquillement arrêter de transmettre ce qu'on a vécu comme sentiment, arrêter de le transmettre émotivement. À la longue, ça laisse la place davantage à l'intelligence pour faire cellulariser des événements semblables. Et puis ça, ça va enlever de l'emprise à l'ego. Mais en même temps, l'ego va s'en nourrir de cet événement-là. C'est-à-dire que tranquillement, on va développer une autre partie d'ego qui, elle, se nourrit d'une autre forme d'énergie qui est plus près du sentiment que de l'émotion. Donc, l'ego ne se sentira pas nécessairement, parce qu'en vérité, l'ego ne mourra pas. L'ego va se transmuter en double éthérique. Ce ne sera pas un ego décédé, mais tu ne peux pas dire à une chenille aujourd'hui, je vais te tuer, parce que demain tu vas mourir en tant que chenille, tu vas être un papillon, elle ne comprendra pas. Au niveau de l'ego, c'est la même chose. Si tu dis à l'ego, je vais te prendre aujourd'hui d'une certaine forme, puis je vais te transformer dans une autre forme, il n'y a pas du changement. Il ne sait pas c'est quoi. Il ne sait pas, il ne peut pas s'imaginer ce que ça va donner, un coup qui va être fait d'une façon différente. Donc, il faut que ce soit par l'expérience, par la pratique, puis par l'attitude, par l'événement, en le vivant, finalement, qu'on démontre par l'exemple à l'enfant égo qu'on est en train de retourner dans une autre forme d'énergie, puis une autre forme de vie. Quelqu'un qui vit des sentiments, est-ce que c'est simplement un sourire béat comme un bébé, ou s'il peut rire aux éclats? Est-ce qu'il peut pleurer? Est-ce qu'il... Ouais, il peut rire, pleurer aussi. D'ailleurs, c'est bon physiquement, c'est intéressant. Mais ça ne sera pas un... Comme je vais utiliser le mot que j'utiliserais toujours, je braille pas, je pleure. Quelle est la nuance? Quelqu'un qui braille, là, pour moi, c'est quelqu'un qui en met plus qu'il en a. Quelqu'un qui dit... On va d'ailleurs dire quelqu'un est maudit qui est brailleur, lui. Toujours en train de se plaindre ou de chialer ou d'en mettre... d'ajouter là, ben gros de l'émotion par rapport à ce qui avait été vécu comme événement. Quelqu'un qui pleure naturellement, qui laisse aller des larmes, qui laisse couler des larmes, puis qui vit un sentiment de peine, de un sentiment de tristesse, ça serait plus près de la tristesse que du braillage, que j'appelle. Il n'y a rien de négatif à ça. Il faut vivre, il faut laisser vivre. D'ailleurs, devenir un être qui vit de sentiments ne veut pas dire devenir un robot, pas du tout. L'enfant, tantôt, dont on parlait, si l'enfant était dans sa couche et puis inconfortable d'y être, il va pleurer. Oui. Puis ça n'empêchera pas. C'est pas l'ego qui le fait pleurer, c'est parce qu'il vit un sentiment d'inconfort instantané, puis il l'exprime tout de suite. Tu changes sa couche, il pleure plus fini. Donc, en tant qu'adulte, on doit être capable de faire la même chose au niveau des sentiments. Si on vit une expérience intéressante, on peut en rire. On vit quelque chose de triste, on peut en pleurer tout de suite. Il y a quelque chose d'heureux tout de suite après. On peut revenir au sourire. C'est là que c'est la différence entre pleurer puis chialer ou brailler. C'est que quand tu pleures de façon spontanée, je dirais, ou de façon sentimentique, c'est la nuance, c'est que si tu braillerais, tu te rappelles pourquoi tu pleures, parce que c'est triste, puis là, dans la tête, on se dit, ouais, puis c'est vraiment grave, puis si jamais, il fallait que ça soit pire, puis là on se monte encore un scénario, puis on pleure par rapport au scénario, on pleure plus par rapport à l'événement. Oui, okay. Puis souvent, on va vivre même, je connais des personnes qui, lorsque le conjoint est parti en voyage, si l'autre doit prendre l'avion, ben là, celui qui est resté se met à penser, qu'est-ce qui arriverait s'il fallait qu'il meure? Puis là, ça part, tout le scénario de... Bon, ben là, je serais veuve ou je serais veuf, et puis faudrait que j'aille à l'enterrement. Je sais pas quelle sorte d'habit que je devrais y mettre. Assez pour pleurer. Juste à vivre ça, assez pour verser des larmes, puis avoir du chagrin, puis vraiment vivre l'événement comme s'il s'y arrivait. Ça, c'est vraiment pas savoir quoi faire, parce que pendant ce temps-là, peut-être que il y a un enfant qui te suit en face, que tu fais un beau grand sourire, mais tu ne le vois pas parce que tu penses à tous les mauvais coups qui peuvent arriver. C'est ça, ces émotions-là qu'il faut enlever. Si au moins on a juste, si on vivait seulement les émotions qu'on vit, ça serait déjà ça. Si dans une journée de 24 heures, on est, disons, éveillé pendant 12 heures, bien, il faudrait au moins que pendant ces 12 heures-là, on vive seulement les émotions qu'on vit vraiment, pas dans notre tête, pas juste en pensant à ce qui va arriver ou ce qui est arrivé déjà. Mm-hmm. Juste vivre, là. Tout le monde dit que la vie, c'est un gros contrat. Bien, justement, au lieu de vivre demain, puis hier, puis aujourd'hui en même temps. Plein de contrats en même temps. Ouais, faisons-en un. Juste vivre là, dans la minute qui se vit actuellement, sans penser qu'est-ce que ça va être puis qu'est-ce que ça a été. Par exemple, tout ça, c'est, j'écoutais parler aussi, la mélancolie, ça va être lié aussi aux émotions. Oui. Okay. D'ailleurs, ça va finalement, un paquet d'émotions comme ça peuvent nous mener au burn-out et puis à des maladies beaucoup plus sérieuses parce que, ben, plus sérieuses, ça c'est déjà intéressant. L'émotion, si ça va jusqu'à l'amour, il y a même des maris tellement amoureux qui vont finir, puis tellement émotivés qu'ils vont finir par descendre tous les enfants, puis la bonne femme dans le salon, puis après se suicider parce que ça, c'est vraiment de l'émotion, c'est pas du sentiment. Puis tu dirais, c'est parce qu'ils les aimaient, c'est vrai. Il les aimait tellement qu'il a décidé de les enlever de là parce que lui, à un moment donné, il a vu ce que c'était la vie puis ça ne lui plaisait plus. Mais son égo ne pouvait pas accepter que les autres restent là vivants pendant que lui s'en allait. Mais là, tu dis il les aimait. C'est assez étonnant parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui me faisait peur justement de dire que ça se peut pas qu'un homme qui fasse une telle situation aime ou aimait ses enfants ou son conjoint. Son égo, oui. L'ego de la personne qui fait ça ne peut pas faire autrement qu'aimer. Si l'ego qui se suicide déteste tellement la vie qu'elle veut se suicider, bon ben, si elle détestait les autres, il laisserait vivre. Ah oui, OK. Si lui, il déteste tellement la vie qu'il décide de s'en aller, il aime tellement les autres qu'il les emmène avec lui. Donc ça, c'est égoïque. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour de base à ce moment-là? Ben ça, c'est de l'amour émotif, avec énormément d'émotions. Là, c'est l'extrême que je donne, on n'est pas encore là, j'espère. Mais ça, c'est l'extrême, c'est l'amour extrêmement émotif, mais il y en a qui le font. Donc, on peut voir qu'est-ce que l'émotion peut nous faire faire, qu'est-ce que l'amour émotif peut nous faire faire. Le sentiment ne pourrait jamais faire faire des choses comme Est-ce que le sentiment peut aimer? Est-ce qu'on peut aimer le sentiment? Ben oui, même justement, quelqu'un qui est sentimentique pourrait dire à son ami, moi je peux avoir un ami masculin et puis dire à mon ami, je t'aime bien, tu sais, mais tu vois là, je rajoute le bien parce que l'égoïquement, c'est difficile à passer. Il faut être capable de dire je t'aime, point. Pas besoin de dire je t'aime bien parce que là, ça vient tout de faire ce que j'avais dit avant. Il faut dire je t'aime. Il faut être capable de s'autoriser ça, être capable d'exprimer ça, un sentiment d'amour comme ça. Si c'est un sentiment d'amour qui est sentimental, qui est sentimentique, ça devrait se passer. Et puis si l'autre est capable de le prendre aussi mentalement et correctement, ça passe. Si on l'emplit d'émotions, quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre « je t'aime », là, ça sous-entend un paquet d'affaires. Je peux pas être assis avec toi et puis te dire « je t'aime », tu es une femme. Si ma femme entend ça, « je t'aime », ça veut dire quoi? Elle m'a dit ça l'autre fois, puis il m'a marié. On met un paquet d'affaires avec le mot « je t'aime » puis avec le mot « amour » qui sont pas nécessairement un contrat à toutes les fois qu'on rencontre quelqu'un. Puis en réalité, « je t'aime », ça devrait vouloir dire « je suis bien avec toi, là, actuellement ». Mais on l'utilise à tellement de choses que finalement, on ne sait plus trop ce que ça veut dire au bout de compte. Mais l'amour, pour moi, l'amour, c'est ça, c'est la qualité d'une relation au moment où elle se vit. D'ailleurs, je pourrais dire aujourd'hui « je t'aime », puis demain, je pourrais dire « je t'aime pas », aujourd'hui. On devrait être capable de s'autoriser ça aussi. Imagine-toi maintenant que le mari dirait à sa femme « ce matin, je t'aime pas ». Ça ne marche pas. Pas sûr que ça passerait. Parce que ça ne peut pas se dire. Mais ce que ça devrait vouloir dire, c'est « ce matin, j'aime pas la relation qu'on a. J'aime pas le comportement mutuel. J'aime pas notre façon de discuter ce matin. J'aime pas notre façon de se regarder. Ce matin, je ne t'aime pas. » Énergétiquement, ça va pas. Il faut vraiment que ce soit la même longueur d'onde. C'est ça. Il faudrait vraiment être certain qu'il n'y a pas une parcelle d'ego dans ni un ni l'autre au moment où ça se dit, parce que les casseroles vont voler vite. C'est ça. Ceux qui sont tout seuls ici ce soir ne vont pas qu'ils arrivent à leur conjoint demain. Là, je t'aime pas. Ben, j'ai un ami, moi, qui à un moment donné commençait à comprendre pas mal bien la nuance entre les émotions et les sentiments. Il se fait une amie de cœur. Il commence à dire à cette nouvelle amie-là que lui, il ne vivait pas d'émotions, il ne vivait que des sentiments. Il n'a pas tout à fait fini de dire qu'il était parti. C'est que faut vraiment être certain qu'on comprend bien que sentiment, ça ne veut pas dire qualité de vie robotique. C'est pas ça du tout. Un sentiment, c'est d'ailleurs tellement plus beau qu'une émotion par rapport à ce que ça donne au moment où ça se vit, que ça ne devrait pas faire peur de passer de l'émotion au sentiment. Mais ce serait de l'insécurité. À ce moment-là, une personne qui aurait peur que son conjoint ne vive plus d'émotion, ça vous... Il me semble que ça peut laisser l'impression de plus aimer, de plus ressentir, de peur de quoi? Parce que, égoïquement, les deux sont attachés un à l'autre parce qu'on se nourrit mutuellement de mémoire. Donc, si aujourd'hui je ne suis pas à la hauteur de ma conjointe, aujourd'hui, elle pourrait donc, intelligemment, elle pourrait donc décider de se débarrasser de moi. Sauf que si elle est intelligente, elle ne le fait pas nécessairement parce qu'il n'y a, aucune raison intelligente qui fasse qu'une personne se débarrasse de toi parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas tout à fait à la hauteur de ce qu'elle aurait voulu ou de ce que tu étais hier. Mais émotivement, égoïquement, l'ego, lui, veut s'assurer que la personne qui est assise en face de lui, elle a besoin de lui. On veut absolument que l'autre ait besoin de nous autres. On ne veut pas juste qu'elle reste là. On veut qu'elle reste là puis qu'elle soit bien attachée puis qu'elle soit bien mal prise si on s'en va. Donc, de façon à ce que on se sécurise soi-même. C'est-à-dire qu'on veut être certain qu'il y a un échange énergétique au point de vue égoïque. C'est le seul moyen qu'on peut s'accaparer parce que un enfant ou ceux qui ont des chats, vous pouvez savoir qu'un chat, c'est bien difficile à apprivoiser dans ce sens-là. C'est-à-dire, on dit tout le temps, ben, c'est sauvage un peu. Ça indépendant. Pas, c'est indépendant. Puis les enfants qu'on connaît plus récemment, les enfants teflons sont pas mal comme ça aussi, dans le sens que c'est si tu n'es pas bien dans ta relation avec lui au moment où tu la vis, il va aller jouer ailleurs, il va aller jouer dehors, il n'a pas besoin de ta présence, il n'a pas besoin de se nourrir de ta présence pour savoir qu'il existe parce qu'il exprime moins d'ego. Mais ils ont quand même une grande capacité d'aimer. Oui, il va aimer avec, je dirais, le respect. C'est la nuance entre l'amour qui est émotif et l'amour plus sentimentique. L'amour sentimentique, c'est le respect. Comme on donnerait à un ami, comme dans l'exemple que je disais tantôt, si mon ami arrive en retard d'une heure au restaurant, si je le respecte, c'est mon ami, c'est pas grave qu'il soit en retard d'une heure. Il viendrait pas du tout, ça serait pas grave. Mm-hmm. Je partirais de là à minuit, il fermerait le restaurant, je serais déçu de ne pas l'avoir vu, parce que j'avais... Mon ego aurait exprimé à l'avance la joie de revoir un ami puis d'échanger avec lui, de passer une belle soirée ensemble. Il serait déçu, mais pas assez pour l'appeler puis l'engueuler puis le perdre comme ami, parce qu'il y a du respect qui est établi entre les deux. Alors qu'on a de la difficulté à faire ça entre conjoints, conjointes et entre parents, enfants ou enfants-parents. Si on respectait autant nos enfants et nos conjoints qu'on respecte un ami, en termes de respect pur, donc ça veut dire je lui autorise ses faiblesses, je lui autorise ses qualités, et je ne m'en fais pas ni pour l'un ni pour l'autre. Bref, tu l'autorises à être. Je l'autorise à être tel qu'il est. Pour ça, il faut s'autoriser d'abord à être soi-même tel qu'on est, puis c'est de là que vient le problème. Avec un ami, on peut être vrai. Avec un ami, je peux lui avouer mes faiblesses, parce que je n'ai pas besoin autant émotivement qu'il ne reste attaché que ma conjointe. Avec un ami, il n'y a pas de contrat à vie, de fait. C'est pour ça, de base, j'imagine qu'il y a plusieurs hommes ou femmes qui doivent se regrouper, se rejoindre à l'extérieur de la famille, justement pour se confier, pour... Oui, puis ils vont rester amis pendant des années, des années, des années, des années. Et puis, il y a une permission, l'être humain, en tant qu'individu, s'autorise à être plus vrai avec un ami qu'avec quelqu'un qu'il aime émotivement ou avec quelqu'un envers qui se doit d'avoir une image plus parfaite que ce qu'il est capable d'être. Je prends encore l'exemple du conjoint. Si vis-à-vis ma femme, je suis l'homme idéal, vis-à-vis mon ami, je ne suis peut-être pas l'homme idéal. Puis je m'autorise à être ce que je suis. Si je ne suis pas idéal avec mon chum, c'est vrai que je ne suis pas idéal. Si, par exemple, j'ai une mauvaise manie de prendre 3 verres de rhum avant de souper, devant ma femme, je ne pourrais jamais faire ça, je suis l'homme idéal. Peut-être qu'avec mon chum, je vais le faire. C'est peut-être ça qui va faire en sorte que je vais être beaucoup plus vrai avec lui parce que je n'ai pas à me gonfler et à me montrer autrement que je suis avec lui. C'est plus facile à supporter. Donc, c'est plus vrai, c'est plus facile. Si je me respecte plus, moi, avec lui, parce que je me démontre plus transparent, c'est normal que je respecte plus lui que ma femme. Parce qu'il y a un échange qui est plus pur. Je suis plus vrai avec lui qu'avec elle. Donc, je suis plus vrai avec lui, je vais le respecter plus. Donc, le respect dans le couple viendrait aussi de là, de la transparence. D'être capable de dire à son conjoint, Ben, demande-moi pas de faire telle, telle chose, j'en suis incapable. Je suis pas le surhomme que tu penses que je suis. C'est, tu me demandes d'aller affronter le voisin d'en face qui mesure 6 pieds 2 pour lui dire ben, enlever sa souffleuse de devant l'entrée. Je suis pas capable, j'ai peur. Il faudrait être capable de faire ça, de dire ça. Mais ça dépend de l'image, ça dépend de l'image qu'on a projetée depuis combien de temps on est ensemble, puis comment l'autre est prêt à accepter que du jour au lendemain, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire ça en même temps, mais comment l'autre est prêt à accepter, puis à voir que chez toi, il y a des faiblesses. Qui ne sont pas des faiblesses, dans le fond. J'ai peur d'aller voir le gros, l'autre bord, viser dans le vis de ce fleuve, c'est pas grave, on sortira quelque chose de parti. Mais dans les archétypes, ça peut sembler. Mais c'est ça. En tant que comme parfait, je devrais pas avoir peur, je devrais être assez gros et assez musclé pour traverser la rue. Mais c'est pas nécessairement vrai. Alors, avec un ami, tu le dirais ça. Devant un ami, tu dirais écoute, si tu veux y aller, vas-y, toi, mais moi, je suis vraiment pas du tout intéressé. Fait que tu vas l'envoyer à ta place. Alors que le mari peut difficilement faire ça avec sa femme. Écoute, vas-y, toi, l'enlever, là. Il faut être capable, faudrait s'autoriser ça. Sortir des archétypes, finalement. Oui, se détacher de la forme du mari parfait, de l'enfant parfait, du père parfait, de la mère parfaite. Imagine-toi le stress et tout ce qu'on s'impose quand on dit bon, ben, je suis un employé, je veux être un employé parfait, je suis un mari, je veux être un mari parfait, mes parents sont encore vivants, je veux être un fils parfait. Je veux être un frère parfait pour mes frères et mes sœurs. Je veux être un père parfait pour mes enfants. Fait que tout ça, là, à la fin de la journée, on peut bien être fatigué. Quand tu couches toutes les relations que tu as avec tout le monde, puis tu dis, moi, là, je ne m'autorise à rien. Si tu t'autorises à rien, tu n'autorises à rien aux autres. Mm-hmm. Et puis là, la vie est beaucoup trop compliquée. Beaucoup de friction. Ouais. Alors, on passe à la pause. Petite période de questions. Si vous avez des questions, vous les écrivez sur les papiers qui sont à l'extérieur sur le sujet de la conférence. Tant que possible. Tantôt. Ce n'est pas la même promesse que Daniel.